Devant toi, Seigneur, je leverai bonheur, bonheur, bonheur. Tu as tout ce dont mon cœur a besoin. Et mon visage rayonne de joie, de joie, de joie. Dans ta présence, j'ai le vrai bonheur. Et mon visage rayonne de joie. Oh, oh, oh, oh. Tu nous fais du bien, Seigneur. Rassure-nous sur terre, mes pieds sur terre. Seus eleitos, exprimir a mente e desejo de viver em ti para sempre. Obrigado, muito obrigado.